faible, ce son. C'est bon. Ça claque, sa mère. C'est pour toi, mon frère. Wesh, frérot, comment que ça va? Putain, ça va, je viens de faire quelqu'un. Bah, c'est cool, frérot, t'as dû te vider. Parle pas, je me suis déchiré. En fait, mon frère, j'ai envie qu'on déconne. Chante avec moi, il faut que ça résonne. Fous ta rage, mon frère, faut que ça donne. Chante pour ta mère, la conne. T'aimes ce son. C'est bon. Ça claque, sa mère. Pour toi, mon frère. Génial, mon frère, faut que ça demande. J'emmène deux chiottes, faut que j'y remonte. Je grave sur le cul, je respire même plus. Ça n'est pas avec un U. Laisse Baldry réinvente la musique en hurlant ses paroles qui te foutent la trique. Écoute ce refrain, mémorise-le bien, sinon tu seras aussi relou que Damien. T'aimes ce son. C'est bon. Ça claque, sa mère. C'est pour toi, mon frère. Oh, laisse Baldry, qu'est-ce que c'est que cette violence? Dégage-toi, Francis. Rentre chez toi, Francis. Vas-y, dégage, trop relou. T'es qui, toi, pour nous emmerder, nous? Va te tâter dans tes tatanes avant que j'atteigne ta tête avec ta taille yo tatata. Si t'as déjà dit que t'étais pas bonne à tâter, va te faire en papayoter. T'es le son. C'est bon. Ça claque, sa mère. C'est pour toi, mon frère. T'es le son.